Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Votre mission dans la courte échelle, si vous l'acceptez. Et de faire écouter à vos auditeurs des artistes indépendants talentueux. Pas de barata, mon pote. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle, un numéro particulier encore aujourd'hui. La semaine dernière, nous étions au Québec, et bien cette semaine, nous sommes en Belgique. Dans cette émission, vous ne retrouverez aujourd'hui que des artistes originaires de Belgique et nous allons commencer par Ludivine Broé. Elle est avec nous depuis les tout débuts de La Courte Échelle, il y a 3 saisons. Elle va nous interpréter Faut bosser. Ludivine Broé a sorti son premier album en 2008. Il a pour titre Éclectique puisqu'il vogue entre chansons françaises, slam, reggae, danse et blues. Fils à papa, si l'argent coule pas comme ça, hé, hey, toi mec, lève-toi. Si t'aimes le blé, le fric, le flou, ce que la thune ne vient pas à toi, hé hey, mec, lève-toi. Je veux pas bosser, pas travailler, je suis feignante. Sûrement né un jour férié, c'est évident. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Faut pas parler de travail et je l'ai pas dans le sang. Trop fatigué pour me bouger, c'est éreintant. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Si t'es pas un fils à papa, si l'argent coule pas comme ça, mec, et lève-toi. Si t'aimes le blé, le fric, le flou, ce que la thune ne vient pas à toi, et lève-toi. Je suis fâchée depuis bébé. Je monte les dents, c'est mon tempérament. Pourquoi bosser? Je préfère laisser cette place de roi à toi si c'est ton choix. T'es pas un fils à papa si l'argent coule pas comme ça. Hé hey mec, lève-toi. Si t'aimes le blé, le fric, le flou, ce que la thune ne vient pas à toi, lève-toi. J'aime pas boulot tri, mais c'est chaud, c'est même très chiant. Dodo, métro, boulot, dodo, rien d'excitant. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Si t'es pas un fils à papa, si l'argent coule pas comme ça, hé mec, lève-toi. Si t'aimes le blé, le fric, le flou, que la thune ne vient pas à toi, lève-toi. Je suis fâchée depuis bébé. Je monte les dents, c'est mon tempérament. Pourquoi bosser? Je préfère laisser cette place de roi à toi si c'est ton choix. Faut bosser, mon vieux, faut bosser. Faut bosser, mon vieux. Ok, c'est bon, baisse d'un ton, tu m'as saoulé. Je raconte pas trop car pas question d'être exploité. Je vais bosser, mon vieux, je vais bosser. Je vais bosser, mon vieux, je vais bosser. Je vais bosser, mon vieux, je vais bosser. Je vais bosser, mon vieux, je vais bosser. Si t'es pas un fils à papa, si l'argent coule pas comme ça, et mec, lève-toi. Ange Remillat compose des chansons, il les écrit également non seulement pour lui, mais aussi pour d'autres artistes. Le voici avec Je fais partie des hommes qui pleurent. Je vais bosser, mon vieux, je vais bosser. La Courte Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Thank you. J'ai des mots, mais une rumeur se transmettait de père en fils. Je me sentais si différent, n'osais rien dire à mes parents. À peine un tôt, j'avais compris, je fais partie des hommes qui pleurent. Je m'isolais, j'écris mes craintes de n'être un homme comme les autres. J'ai dans le corps tant d'émotions, de pensées tristes, l'âme en peine. Je n'y comprends rien, mais je sais, je fais partie des hommes qui pleurent. Cet étrange dicton, cette idée fixe de l'homme de pierre, de l'homme si fort sans sentiment, ignorant sensibilité. Alors messieurs, regardez-moi, je fais partie des hommes qui pleurent. J'avance dans ma vie, pourtant, j'avoue souvent je fais semblant. Je me retiens au quotidien, pourquoi ne suis-je donc une femme? À elle seule je dis sans honte, je fais partie des hommes qui pleurent. Une d'elles est si particulière, elle me comprend, elle me console. Lorsqu'on se fixe au fond des yeux, j'ai l'impression de voir son cœur. Je suis troublé, les larmes montent, je fais partie des hommes qui pleurent. Pour elle, je n'ai aucun secret, depuis le temps elle me connaît. Tout cet amour, oh ma chérie, juste sa main posée sur moi. C'est l'émotion, je tremble un peu, je fais partie des hommes qui pleurent. Jamais ne dirai à mon fils, va te cacher lorsque tu veux pleurer. Je l'écouterai me raconter, ensuite je sécherai ses larmes. Je lui dirai que moi aussi, je fais partie des hommes qui pleurent. Je suis heureux, je crie très fort, que ces larmes font de moi un homme dont la vision des choses, l'analyse tellement profonde, a fait de moi ce que je suis. Je fais partie des hommes qui pleurent. Je suis heureux, je crie très fort, que ces larmes font de moi un homme dont la vision des choses, l'analyse tellement profonde, a fait de moi ce que je suis. Je fais partie des hommes qui pleurent. Ivan Navecki est un auteur, compositeur et interprète belge. Il a choisi de redonner la vie à la chanson française dite à texte. Le voici avec Ne dis rien. La courte échelle. Chut, ne dis rien, tous les trois vous êtes bien. Cette fleur, ce mot, et toi, toi. Chut, ne dis rien, il le fallait, j'ose enfin. Ma peur n'est pas loin, tu sais, tu le sais. Au bas de ces mots, ne cherche pas de signature, il n'y en a pas. Que ces lignes, c'est mon vœu, reste anonyme à tes yeux. À la fin, tu comprendras qui se cache derrière tout ça. Cette fleur, ce mot, et moi, moi. Chut, ne dis rien, pas trop vite, ça ne sert à rien. Lentement, je te laisse tout le temps, prends ton temps. Chut, ne dis rien, ton cœur encore trop loin. De peur en chagrin, il va, il vient. Que ces mots effacent tes tempêtes, tes bourrasques. Que cette fleur mette un peu d'ordre dans ton cœur. À la fin, tu sauras que quelqu'un pense à toi par ce mot, un rien trop tôt. D'ailleurs, est-il trop tôt? Chut, ne dis rien. Les nuages se sont enfouis, comme lui, avec lui. Surtout ne dis rien, pense à toi, pense à demain. Cette cage, tu l'oublies, de ton esprit, de ta vie. T'offrir de devenir la bière de ton cœur. Seul espoir, te voir fleurir de sourire. Mais d'abord que tu sois bien, ensuite que tu sois là. Qui sait, peut-être pas, mais peut-être demain. Vicky Joyce a grandi dans une famille nombreuse sous le signe de la débrouillardise. Elle a effectué son cycle de solfège et a étudié pendant 10 ans le violon. À 20 ans, elle a décidé de parcourir le monde seule et avec son violon. La voici avec Je ne peux pas. Ta vie, cherche en toi la lumière, en toi se trouve la paix. changer pourtant. Vie c'est ma vie, ta vie c'est ta vie. Cherchons toi la lumière, en toi se trouve la perle chère. Cher, cher, cher, cher. Vie c'est ma vie, ta vie c'est ta vie. Moi je suis mon étoile, je dois pas changer. Mais je ne peux pas. La courte échelle. Lui aussi, Olivier Loin, est avec nous depuis le début de La courte échelle, il y a 3 saisons. C'est un auteur, un compositeur et un interprète. Le voici avec Paris. Vous avez connu ça, j'en suis sûr. À peine posez là vos chaussures, vous disiez déjà je pourrais être ici à jamais. Moi j'ai craqué pour elle un beau jour, sorti d'une bretelle, un détour pour voir sa tour Eiffel et son Louvre. Ce fut le coup de foudre. Je me revois sur les ponts de Paris, imaginez la scène. Comme un enfant, le regard ébahi, brillant comme la Seine. Je me suis fait avoir, j'ai même dans mon armoire un t-shirt à l'abri, sur lequel est écrit I love Paris. Ce jour-là, en foulant les pavés de Montmartre, le temps m'a ramené au grand Charles chantant sa bohème. Paris, c'est toi que j'aime. Je me revois sur les ponts de Paris, imaginez la scène. Comme un enfant, le regard ébahi, brillant comme la Seine. Je me suis fait avoir, j'ai même dans mon armoire un t-shirt à l'abri, sur lequel est écrit I love Paris. Si un jour je devais quitter ma terre natale, poursuivre d'autres vents, je sais que tu serais une bien longue escale. Mais en attendant, je me revois sur les ponts de Paris, imaginez la scène. Comme un enfant, le regard ébahi, brillant comme la Seine. Je me suis fait avoir, j'ai même dans mon armoire un t-shirt à l'abri. Autrice, compositrice et interprète, c'est avec Incorporé, un EP de 5 titres sorti en 2017, que Minassan a fait entendre pour la première fois son son électropop avec sa voix cristalline et ses mélodies entêtantes. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Tu n'y verras que te donnerai ma douleur et ma peur d'exister pour oublier que je meurs pour toujours. Quand on parle de musique, Paul David n'est pas un novice en la matière puisque son parcours musical a débuté en 1989 avec la création du groupe Magellan Dream. Le voici avec Belong to Me. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Justement, c'est Paul David qui nous a présenté le groupe G-Project. On va les écouter avec Better Take Care. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Straight up to the hill. Vincent Liben. C'est un auteur, compositeur et interprète originaire de Bruxelles. On ne l'a pas encore entendu, mais comme cette émission aujourd'hui est réservée aux artistes belges, eh bien, on va réparer cet oubli avec Mademoiselle Liberté. Mademoiselle Liberté, avec ta vieille Volvo déglinguée, tu roules à travers champs avec l'idée de rattraper le temps perdu. Mademoiselle Liberté, dans mes grands yeux tu as cru pouvoir te noyer à condition de laisser expirer l'air pur qui comme toi. Souffle le froid qui calme toi, tout contre moi. Souffle sur terre, agite la mer. Mademoiselle Liberté, dans tes grands yeux bleus j'ai cru pouvoir me noyer à condition de laisser expirer. Mademoiselle Liberté, avec ma vieille Volvo déclinquée, je roule à travers champs avec l'idée de rattraper le temps perdu. Qui comme toi, tout contre moi, souffle le chaud et souffle le froid. Qui comme toi, tout contre moi, souffle sur terre, agite la mer. Le chaud et souffle le froid qui calme toi, tout contre moi, souffle sur terre, agite la mer. Mademoiselle Liberté, je n'ai que faire des hirondelles. Combien de nuits, combien d'été, à rêver de l'amour de ce bel amant, écrit dans les pages grises des romans. Qui comme toi, tout contre moi, souffle le chaud et souffle le froid. Qui comme toi, tout contre moi, souffle sur terre, agite la mer. Qui comme toi, tout contre moi, souffle le chaud et souffle le froid. Qui comme toi, tout contre moi, souffle sur terre, agite la mer. Courte échelle. Chaque semaine, des talents à découvrir. Ouais, yes! De la chanson francophone à la fois intimiste et solaire, douce et généreuse, voilà comment on peut décrire la musique de Tom White Shoes, partageant son plaisir de la scène au talentueux musicien de jazz qui l'accompagne. Le voici avec ce quelque chose. Dans la voix, ce quelque chose de divin qui te laisse planter là, la bouche ouverte dans un coin, un feu, une chaleur qui pénètre en profondeur. Ce quelque chose d'ailleurs qu'on écouterait pendant des heures, ce quelque chose d'immortel.

Dou dou dou dou, wah wah. Dou dou dou dou. Allez viens, viens, viens. Ilia se décrit elle-même comme une charmeuse de tympan. On va l'écouter avec D'ailleurs. La courte échelle. La nuit, la lune veille, la lune lui. Je lui parle, elle me répond, me sourit. Tous les rêves que je suis viennent d'ailleurs, m'a-t-elle dit. D'évidence sans défi, je hisse ma bulle. Je me lance, je tisse, je funambule. Si le vertige me désire, rien ne m'oblige à le suivre. Si le désir devient vertige, rien ne m'oblige à le fuir. Antoine Hénaud est originaire de Mons, il est auteur-compositeur, le voici avec Inévitable. Je me perdrai, je laisserai les étoiles. La courte échelle. Dans le cou, te dire bonjour mon amour, réveiller les enfants, les conduire à l'école, souriant, et faire signe aux autres parents, genre tout va bien chez nous, ça semble inévitable. On fait sa vie comme on fait son cartable, ça semble inévitable. On fait sa vie en parents responsables, ensuite aller au travail. Pour gagner son pain, en me demandant ce que fait madame, si ce n'est se faire le voisin. En me demandant ce que font toutes ces bonnes gens qui n'ont pas la même vie. En me demandant ce que j'ai foutu de mon temps, si j'ai bien tout compris. Ça semble inévitable. On fait sa vie comme on se tient à table. Ça semble inévitable. On fait sa vie un bon expert comptable. Qu'ils en disent sur nous, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'ennuis, autant qu'on s'ennuie la nuit, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'hobbies, sauf nos enfants, ça fait bien, et même s'ils en ont pas envie, je m'en fous, tire au fou demain. Ça semble inévitable, incontrôlable, peu malléable. Ça semble inévitable, incontournable, on fait sa vie. Courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Le rendez-vous des artistes indépendants. Aurine non plus n'est jamais passée dans la courte échelle. Il n'est pas trop tard pour réparer l'oubli. Voici Between You and Me. Temps de prendre un nouveau départ, je vous propose d'écouter l'artiste liégeois Nicolas Michaud. Le temps que l'on passe à refaire le monde est-il du temps perdu? Perdu pour toi et moi qui nous frayons un passage entre les voitures qui nous fraudent et nous font peur. Le sang que l'on donne pour sauver une vie est-il du sang jeté? Jeté par toi et moi qui nous frayons un message entre les réclames qui nous fraudent et nous. Said, don't play around here with your kids. You know the soil has been spoiled, and it might be bad for them. But we keep dancing on the wasteland, dreaming of a new start, dreaming of a new start. Tu achètes en brocante des photos de vacances vécues par d'autres gens. Des gens comme toi et moi qui cherchent un paysage entre les écrans qui nous fraudent et nous aveuglent. Man said, don't play around here with your kids. You know the soil has been spoiled, and it might be bad for them. But we keep dancing on the wasteland, dreaming of a new start, dreaming of a new start. Échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Enaïde a posé son piano à Bruxelles en 2000. Elle y a rencontré des artistes de la scène belge et internationale. Et la voici avec C'est la vie. Story, on clic cave derrière un avatar artificiel. Penses-tu que l'illusion rejoindra le réel? On s'avance faux love pour pas finir solo. Dans les rues de Bruxelles que va se terminer cette émission spéciale pour cette semaine réservée aux artistes indépendants belges dans les rues de Bruxelles avec Béastre. Welcome to Brussels, capital of Europe. Here are some fries, chocolate and potties. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants. Avec tous ces attentats, ce travail, je me taille de ce débarras. Et qu'est-ce que cette ville de fêtards? Y a-t-il encore des gens intéressants à voir? Mais ou juste des étrangers blasés? Et des Belges frustrés? Verra qui aura craché le premier. Je sais que les rues de Bruxelles sont mortes le soir, mais il n'y a pas seulement que des palabres. Je sais que quelques rencontres y sont monotones, mais j'en savoure leur revolver ou la peine. Je sais que les rues de Bruxelles sont vides le soir. Il y en a certains que cela mène jusqu'au désespoir. D'autant plus que l'alcool foisonne dans ses couloirs. Mais j'y savoure le rêve et l'amour. Il y en a qui disent que les rues de Bruxelles sont réservées aux alcooliques et aux ahuris. Moi je pense en revanche qu'elles ont une certaine prestance mène à la danse. Mais dites-moi pourquoi les rues de Bruxelles sont claires ce soir? Est-ce parce que personne n'y trouve le courage d'éteindre sa lumière pour celle d'un autre? Je ne sais pas, sous mes pas, je ne sais plus. Dites-moi, est-ce que les rues de Bruxelles sont sobres ce soir? Y a-t-il une seule âme qui daigne le croire? Que je rôde, s'agace, je n'en sais rien. Vraiment, ou je me mens? Parfois les rencontres fatiguent le passé et effritent le présent. Or, mieux vaut que les rues de Bruxelles soient vides ce soir, car elles sont si belles et calmes près du Et je vous laisse flâner dans les rues de Bruxelles. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres artistes indépendants. Merci de votre présence aujourd'hui. Soyez heureux. Votre instant d'évasion. La courte échelle, le rendez-vous des artistes indépendants.